fixe cet horizon. Tu as un jour passé par derrière, marché dans les rues de Clermont. Sur la place, une vision guerrière, accroché par le cul de pantalon. Souviens-tu de l'heure d'hier, fixe cette.